Nos âmes sont attirées par un âme son garçon. C'est la musique qui guide nos actions. Nos âmes sont prêtes pour défendre notre passion. Attention, underground est la façon. Nos âmes sont attirées par un âme son garçon. C'est la musique qui guide nos actions. Nos âmes sont prêtes pour défendre notre passion. Attention, underground. On sait se défendre comme des poissons attirés dans cet océan géant. On se défend obligé de tuer le plus faible pour gémant. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Car j'évite la mauvaise vague avec le flow. Faut pas que tous nos efforts tombent à l'eau. Hey yo cousin, j'évite les piranhas, les requins. Pour gagner mon pain, pour m'en sortir sain et sauf. C'est la même chose pour tous ceux qui baignent dans les barrages. Coincés dans le barrage avec la rage. Qui n'ont pas pu vaincre ce putain de naufrage. Certains font les cons, se retrouvent dans un bocal. Mais ce n'est pas normal. On tourne rond dans un système qui nous fait mal. Et ouais, on te fait comprendre qu'ici tu n'as pas ta place. C'est toi qui vois la tasse, il faut que je me sauve avec mes paragraphes. Le rap mon radeau pour sortir de ce chaos. Para mi es claro, la vie ne fait pas de cadeau. C'est le remix, l'ancien. Nos âmes sont attirées par un âme son garçon. C'est la musique qui guide nos actions. Nos âmes sont prêtes pour défendre notre passion. Attention, underground est la façon. Nos âmes sont attirées par un âme son garçon. C'est la musique qui guide nos actions. Nos âmes sont prêtes pour défendre notre passion. Attention, underground est la façon. Et dit que tu permets tes entrailles, fait que tu t'enjailles. Ressens les forces spirituelles, mystiques des chamans. Omniprésent dans les éléments, tu la ressens. On m'a dit vive l'un des faits mal et t'en meurs sans. J'ai pas retenu la leçon, pourtant j'étais bon garçon. J'ai presque touché le fond, elle m'a donné une correction. Elle m'a dit relève-toi le défi, je me dois te relever. Yannick a à mes côtés, what the fuck, on veut pas te berner. L'âme son sans le bon, attention au jeu de mots. Je parle pas de poisson, mais de ce qui est en toi. Au fond t'es pas si con. Aïe, tu dois l'avoir gardé, la musique est un esprit. Difficile à cerner, difficile, difficile, difficile m'amène de la vie de rien. Beaucoup de blême, beaucoup de blâme, blâme, trop de coups, attitude, l'homme, ça.